Et pour terminer, voyons maintenant le tireur, le joueur qui a essentiellement la charge de déloger les boules de l'adversaire. Ce type, à tous les coups, il estanque. Estanquer appartient à la famille de tanker, coincer, rester sur place. La boule du tireur qui estanque frappe l'autre en plein fer, ou touche terre et boule en même temps, et prend sa place. L'estanque, c'est un carreau sur place, un carreau sec. Certains utilisent encore ce mot, même si la boule du tireur ne prend pas exactement la place de la boule visée, dans la mesure où elle ne se retrouve pas trop loin, à 10 ou 20 cm pour donner un ordre de grandeur. D'autres utilisent le terme de manière générique pour qualifier un beau tir. En toute rigueur, si la boule du tireur tape au sol un peu devant la boule visée, ce n'est plus une estanque, mais un palet. Dans le cas d'un effleurement par le haut, on dit « il a frappé sur le clos, sur la tête, sur la cabucelle, sur le couvercle. En français, il a fait une casquette. Notre tireur était en pleine bourre. Il aura fait une de ses tchaples. Il était en grande forme. Il a réduit en miettes les boules adverses et il a réussi un moulon de carreaux, un tas de carreaux. Les autres s'exclament. Il nous a expulsé quiconque. Il nous a drôlement secoué les boules. » Basselé s'est tapé avec vigueur. Avise celui-là, tu peux croire qu'il bacelle. Le bacelle, c'est le batteur des lavandières. Le tireur, lui, bacelle avec ses boules, tout comme le forgeron, métal contre métal. Malheur à la boule trop tendre, elle prend des gnocs, des coups, au risque de se fendre, ou tout au moins d'être buignée, pleine de marques. Autrement dit, elle sera vite escagacée, elle sera abîmée, elle roulera mal. Il a bien ganté celle-là. Il a bien frappé. On ne peut rien faire contre lui aujourd'hui. Il les agante toutes. Si le tireur déclare, celle-là, je me la sens, c'est qu'il est sûr d'aganter la boule. Malheureusement, pour le tireur et pour ses partenaires, même les meilleurs connaissent des périodes de méforme. Aujourd'hui, je n'agante pas une. Autrement dit, le tireur s'estrasse, il manque son coup. Le tireur qui capite pas, qui ne réussit pas, fait des trous, sous-entendu, dans le sol. Autres expressions, il a fait trou, il s'est troué. Les grands tireurs tirent souvent deux coups. Ils frappent plein fer sur la boule visée. Au pire, leur boule touche le sol quelques centimètres avant. Rien à voir avec les petits joueurs qui font systématiquement courir la boule au sol sur une grande distance. Ils tirent à la rabalette. Leur boule raballe ou réballe se traîne par terre. Expression courante en pays de Nîmes et aux alentours. À la pétanque, tu peux raballer tant que tu veux, et tout ce que tu enlèves sur le passage, ça compte. D'un tireur qui use de cette technique, on dit c'est un rabalaire ou un rébalaire, ce qui n'est pas un compliment. De nombreuses expressions renvoient à cette pratique, tir à la raspaille, à la rabaille, à la rasbaillette, etc. Tous ces mots et leurs dérivés font référence à un style de tir où le joueur ramasse, rastelle, ratelle. Quelques-uns le qualifient de tir de gonzesse. Les anciens se moquaient. Asbestou Fundao, tu as mis ton tablier?